Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marchite, c'est vachement plus lourd de Nexno. C'est clair. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Yeah. Il est 20h and it's gonna be rock and roll. Bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Toutes et à tous. Hein. Si j'ai dit bonsoir à tous et à tous, ça ne veut pas dire grand-chose. À tous et à toutes. Voilà. On coupera au montage et puis on dira bonsoir à toutes et à tous et tout ira bien. Bon, c'est Thierry Gallet. C'est la saga des Fab Four numéro 332. Nous sommes le 12 avril 2017. Ça, c'est beau prouver qu'il est. Que nous sommes la bonne date et que nous sommes en direct puisqu'il est 20h passé de 1 minute. Nous allons avoir comme album de la semaine l'album Furieux de 1999 de Paul McCartney. L'album s'appelle Run Devil Run. Aussi ai-je décidé de vous faire une saga rock and roll. Vous allez entendre plein d'invités. Ah oui, il y en a, je ne vous les citerai pas exprès. Mais pour l'album de la semaine, par exemple, on écoutera She Said Yeah de Paul McCartney sur Run Devil Run, On Shook Up, No Other Baby, I Got Stung, Lonesome Town, Fabulous, qui n'est pas dans l'album, mais j'avais envie de vous proposer quand même. Et également Party, pour terminer cette saga. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et forcément les Beatles. Voici les quatre premiers. Lennon, New York City, sur l'album Sometime in New York City en 72. Ça, c'est bien, ça, c'est bien enlevé. Pour George Harrison, Hear Me Lord, en 1970, sur l'album All Things Must Pass. Et pour les Beatles, on va vraiment commencer dans la douceur avec Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, sur l'album For Sale, sur cette année qui a vu naître des légendes, l'année 1964. Une très, très belle année, je vous assure. Voilà, pour le reste, je vous invite à rester avec nous, à nous rejoindre sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, à nous rejoindre sur macaclub.com, dans le groupe, enfin dans l'endroit qui s'appelle La Saga des Fab Four aussi, et sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four, SAGAFABFOUR. Presque comme ça se prononce, presque. Voilà. Le générique se termine et nous allons commencer avec le premier titre, She Said Yeah. Le titre est sorti en 1959 par Larry Williams. Moi, je l'ai sur l'album qui s'appelle The John Lennon Jukebox, sorti en 2004. Si on écoutait, avant d'écouter Paul McCartney, la version de Larry Williams. Let me make love to you. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, come on, daddy. I wanna make love to you, too. I know I got the feeling in my soul. I know I love you. No one above you. Oh, come on, baby, just let me love you. De dire ça, c'était tranquille. Voici la version 40 ans plus tard par Paul McCartney, la même chanson. 1972 sur ce excusez-moi de le dire, son probablement plus mauvais album. L'album s'appelle Sometime in New York City. Il a fait beaucoup mieux, mais bon, ça c'est une très belle chanson. Il y a également Woman is a Nigger of the World. Il y a également Cold Turkey qu'on entend en live avec l'autre qui queen, mais si elle ne queenait pas, ça aurait été merveilleux. Et aussi une autre I Love You Baby Please Don't Go, c'était absolument génial. Ça aussi c'est en live. Bref, il y a quand même quelques chansons à sortir, quelques chansons qui sont bien bons. Mais vous voyez, ça commence quand même nettement rock'n'roll, cette saga des Fab Four numéro 332. Eh bien, je vous propose de ralentir un petit peu la cadence, pas tant que ça, avec George Harrison en 1970 et cette belle chanson, Hear Me Lord, sur RIG. George Harrison. Joli petit. Thank you. could be. Ça se termine comme ça. Ringo, en 1983, sur l'album Old Wave, et c'est vrai que j'ai rarement passé ce titre. She's About a Mover, sur RIG. Nous avons écouté Paul McCartney, nous avons écouté aussi Larry Williams au début, mais revenons à nos quatre Fab Four. Paul McCartney, nous avons écouté John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, il ne reste plus qu'à écouter les Beatles. Ah, on vient de parler des Beatles. Alors il faut parler de Londres et du Beatles Magazine, qui se trouve à Londres avec Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les sorties prochaines, par exemple, de l'album Sgt Pepper, les 50 ans des Sgt Pepper, avec un coffret 6 disques que je vais m'offrir, même si ça coûte une fortune, c'est pas grave, je vais me l'acheter, c'est obligatoire, c'est fait partie des dépenses normales que l'on doit faire pour la saga des Fab Four. Et bref, si vous voulez tout savoir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur les donc John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les gens qui gravitent autour, les animateurs qui font des émissions, il y en a un en Italie, juste après moi, même pendant l'émission à partir de 21h, c'est El Guru des Beatles, quelque chose comme ça, il s'appelle Daniel, il est très sympa, mais on ne communique qu'en anglais parce que mon italien est très très léger à part spaghetti. Bref, il y a également Michael Honorato à New York, il y a Brooke Alpin de l'autre côté des USA, et également Kyle au Canada, et d'autres encore, je ne les connais pas tous, donc si vous voulez tout savoir, Beatles Magazine UK.com, sur Facebook, sur Google, sur Twitter. Et bref, c'est 7 jours sur 7, il y a des millions de visiteurs. Merci, Lovely Rita. et allez vous rendre sur le site BeatlesMagazineUK.com. C'est la saga. Let's go. McCartney sur RIG, donc en 1964 sur l'album For Sale. Le temps de revenir à l'album de la semaine avec McCartney qui va nous interpréter Old Shock Up. Mais pourquoi ne pas écouter le single de 1957 par Mr. Elvis Presley sur RIG? Ah, ça ne passe pas. Shook up, yeah. Oh, well, my hands are shaking every night and week. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such a

is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. En 1997, pas 1997, par George Harrison, Got My Mind Set On You, qui s'est classé en tête du Billboard Hot 100 au début de l'année 1988, pendant une semaine. C'était le troisième et dernier numéro 1 de George Harrison aux États-Unis après Mike Sweet Lord en 1970 et Give Me Love, Give Me Peace on Earth en 1973. Au Royaume-Uni, elle se classe seulement deuxième derrière You Win Again des Bee Gees. La face B du single, Lay His Head, est une chanson enregistrée en 1980 lors des sessions de l'album Somewhere in England. Elle aurait dû y figurer, mais a été écartée au dernier moment à la demande de la maison de disques Warner Bros. Comme trois autres titres. Le single est également paru au format maxi 45 tours avec un troisième titre, une version de Got My Mind Set On You allongée d'une minute 30, qui est anecdotique, je l'ai aussi, je vous le passerai peut-être un jour, mais celle-ci est une bonne version en tout cas, et c'est surtout, ça prouvait que Harrison, après s'être arrêté 5 ans, Sur le moment, ça nous paraissait très très long, 5 ans. Maintenant, il y a énormément de chanteurs qui font ça. Eh bien, 5 ans entre 82 et 87, et un retour triomphal en 87. Pendant les 5 ans, il s'est occupé de son jardin, paraît-il. Simplement. Bon, ben pourquoi pas. Il a bien fait parce qu'il en a profité encore un petit moment. Et lui, le jardin, ça lui plaisait. C'est pas le cas de tout le monde. RG 90.7, la radio des Beatles. Made me cry. I see no use in wondering why I cry for you. And now you've changed your mind. I see no reason to change mine. I cry. It's through. Oh, you're giving me the same old lie. Again. No, no, no, not a second time. You know you made me cry. No use in wondering why I cried for you, yeah. And now you've changed your mind. I see no reason to change mine. My cry is through. Oh, you're giving me the same old lie. Then you're back again. No, no, no, not a second time. Not a second time. Chanson rarement passée et pourtant elle est bien aussi. Not a Second Time, ça date de 1963 si mes souvenirs sont bons, et l'album With the Beatles. Si nous revenons à l'album de la semaine, nous sommes en fin de 1999, nous allons tourner à l'an 2000 et McCartney revient aux sources comme il sait le faire quand il ne sait plus trop où aller. Il revient aux racines, voilà, c'est le mot que je cherchais, et lorsqu'il le fait, il le fait toujours de toute façon avec talent. Voici un autre extrait de l'album Run Devil Run, et cette chanson, ce slow il me semble, No Other Baby, serré, serré, serré. Et quelle basse! RIG 90.7, la radio des Beatles. No. Let's go back, back, back, back, back. Chanson des Beatles tour à tour, Tell Me Why, fut composée en 1964 afin de fournir un morceau rapide à la scène de concert du film Hard Day's Night. John se demanda ce que les Chiffons ou les Shirelles pourraient bien jouer et il pondit cette chanson. Les paroles portent la marque de John, elle lui a menti et l'a abandonné. Il pleure. Il lui demande de lui expliquer ce qu'il a fait de mal pour pouvoir se corriger. Les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui les ont perdus très jeunes en retirent souvent un sentiment de culpabilité qui leur fait croire qu'ils en sont en partie responsables. Si c'est quelque chose que j'ai dit ou fait, dis-le-moi et je m'excuserai, chante John dans Tell Me Why. Il fallut attendre la thérapie primale qui suivit en 1970 pour que John surmonte enfin ses peurs inconscientes. Le psychothérapeute Arthur Janovs lui fit analyser toutes les chansons de l'époque Beatles pour qu'il comprenne ce qu'elle révélait de ses angoisses. Sur le premier album publié après sa thérapie, John Lennon Plastic Ono Band, les thèmes de ses chansons révèlent les mêmes traumatismes, mais ils y sont cette fois explicités en toute conscience, comme dans Mother, Hold On, ou Isolation, ou My Mom Is Dead. La chanson suivante, la deuxième des Beatles, c'était en 1965. Oui, 1965. Tout comme pour A Hard Day's Night, les chansons de Help n'ont que peu de rapport avec le scénario. Je crois que toutes les chansons du film étaient déjà terminées lorsque le scénario fut achevé, confirme Dick Lester. On m'a donné une bande avec les maquettes de 9 chansons, j'en ai choisi 6 d'une façon totalement arbitraire quand je pensais que je pouvais en faire quelque chose. C'est aussi simple que ça et je les ai intégrées dans le film là où c'était possible, là où on pouvait en faire quelque chose. The Night Before est une chanson composée par Paul qui parle du regret d'un amour perdu. Quand Paul la chante dans le film, il se trouve sur le terrain militaire de la plaine de Salisbury et est entouré de soldats et de tanks. The Night Before fut enregistré en février 1965 et la séquence fut tournée 3 mois plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces deux chansons, bien faites d'ailleurs, des Beatles sur RG. Vous êtes bien sur RG, c'est la saga des Fab Four. Voici la suite avec, en 1974, What You Got, John Lennon sur RG. We'll be right back. for me, man. For something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no all the love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, 'cause I'm alone. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. En 1992, en dehors de l'album Time Takes Time, Ringo Starr reprenait cette chanson sur le single Weight of the World. Il reprenait Elvis. Elvis, Don't Be Cruel. Alors voici justement le vrai, enfin, le rocker, Elvis, en 1956. Don't Be Cruel sur RG. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. C'est bien la saga des Fab Four que vous écoutez, mais comme c'est une saga rock'n'roll, j'en profite pour montrer un petit peu les différences entre les versions de nos quatre amis et les versions que l'on connaît également des rockers comme Elvis et comme d'autres. On reste avec Elvis et cette chanson en 1958, I Got Stunk, on va écouter la version d'Elvis et juste après, la version survitaminée de Paul McCartney dans l'album de la semaine Run David Run, mais Elvis d'abord. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, I got stung by the sweet honey bee. Oh, what a feeling to come over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. Well, I was stung, did I run? I got stung. Yeah, yeah. She had all that I wanted and more. And I've seen honey bees before. She started buzzing in my ear, buzzing in my brain. and a cold, cold sweat. Well, if I like to put 102, I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing on your hive every day if I ever. I'm never gonna leave once I arrive, cause I'm not my good star. I won't let nobody sting me but you. I'll be passing on your hand every day if I ever. I'm never gonna leave once I arrive, cause I'm not wrong. I got stuck. Yeah. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Land saints alive, and never thought this would happen to me. I'm a stone like a sweet honeybee. Oh, what a feeling came over me. Well, it started in my eyes, crept up through my head, flew into my heart. July was long, and I'm done. I got stung. McCartney, très très bon rocker devant l'éternel. On dit de lui qu'il faisait des blouettes. Eh bien, lorsqu'il se met à faire du rock, Paul McCartney, il est vraiment l'un des meilleurs, sinon le meilleur. J'adore Paul McCartney, des fois que vous ne le sauriez pas. Mais j'aime également la voix de rocker de John. La voici. En 1975, sur l'album Rock and Roll, ce superbe Sleeping and Sliding. Montez le son. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 332. No more. no more. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur rjfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. Cinq ans d'absence pour George Harrison entre 1982 et 1987, eh bien, il y a eu aussi 5 ans d'absence entre 1975 et 1980 pour John Lennon, avec un retour extraordinaire avec 7 albums, Double Fantasy, d'accord, avec moitié des très bonnes chansons de Lennon et l'autre moitié des chansons. Et c'était quand même un très très bon retour. À 40 ans, il se sentait bien. Il pensait, malheureusement, il le dit lui-même dans l'une de ses dernières interviews, qu'il avait toute la vie devant lui. Et un imbécile lui prouvera le contraire. Voilà, je ne veux pas revenir là-dessus. Nous allons revenir à l'album de la semaine avec la chanson qui s'appelle Lonesome Town en 1999 par Paul McCartney. Mais juste avant, revenons en 1959, et cet album Ricky Sings Again, c'est Ricky Nelson et l'original Lonesome Town sur RG. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my trouble away, in the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. La même chanson par Paul McCartney. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call Même dans la saga des Fab Four, on a des spécialistes de Johnny, notamment Rook, qui nous précise que Johnny Hallyday a repris cette chanson-là, Lonesome Town, sur le titre La ville des âmes en peine, et qu'il l'a chantée notamment en 1996 à Las Vegas. C'est dit, merci pour la précision, Rook. Précision dite sur Facebook. Je vous invite à nous rejoindre dans le groupe La saga des Fab Four. George Harrison sur son dernier album P2 Vatican Blues sur RG. Is it the ceiling from below? A splendid Michelangelo. Fill my heart with delight. That's Saturday night. I arrive believing from home. Find every step inside St. Peter's Dome. Claustrophobic and ex-Catholic. Last Saturday night. Now how come nobody really noticed? Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Mentioned it to my local priest. One of all the three Hail Marys each Saturday night. Let's hear it, come on, chingers. Play it, card, baby. Somebody would tell me that it's only a show. And I'll confess, oh no, let's face it, in my concrete tuxedo. It's quite suspicious, to say the least. While mentioning it to my priest, one of all the three Hail Marys each Saturday night. For the three Hail Marys each Saturday night. Oh, no, for the three Hail Marys each Saturday night. Je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. Baby, Au cours de cette saga, je vous ai régulièrement prouvé que McCartney sait chanter du rock, que Lennon sait chanter du rock, mais je n'ai pas assez insisté, je trouve, sur Ringo Starr. Et donc voici une preuve de plus que Ringo aussi est un rocker. C'est en 2008 et ce titre, Choose Love, sur RG, montez le son. Là, il avait 68 ans, il me semble, il est né en 1940, c'est en 2008, oui, c'est raccord, c'est ça. Bravo, bravo Ringo Starr, et fais-nous encore de bonnes chansons comme ça, et j'aime prouver à ceux qui seraient sceptiques que Ringo Starr aussi a fait de belles et bonnes chansons. Je vous ai dit que je vous ai réservé un petit bonus de Run Devil Run. Cette chanson ne figure pas sur l'album, mais elle a figuré sur un CD issu de l'album, en sortant en tant que face B. Voici l'excellente chanson Fabulous, par Paul McCartney. Oui, oui, oui, c'est sur RG, bien sûr, 90.7. Well, I always knew I was crazy for you, but how did I know you threw me so? If this is love, it's fabulous. Your lips close to mine, make chews of my spine, and when we touch, so much. If this is love, well, it's fabulous. I read in a book about love and its charms, but I never knew till I held you in my arms. fabulous. If this is love, well, it's fabulous. Rock and Roll Saga tonight. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and grooving gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send to the store, let's buy some more. Let's have a party tonight. I've never kissed a bear, I've never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Just knocking at the door. Bring him in and fill him up and set him on the floor. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send him to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. The meat is on the stove. The bread is getting hot. Everybody come and taste the pie. Some love for sure. Let's have a party. Cette chanson était sur Love in You en 1958, la même par Paul McCartney. McCartney en 1999 sur l'album Run David Run. Plus que 25 minutes d'émission, mon dieu que ça passe vite, vite, vite, vite. Une autre chanson, les Traveling Wilburys, She's My Baby. J'aime bien cette chanson-là, ça nous fait une petite pensée pour Jean-Philippe également. Good. She better not leave. hurting in the neighborhood. She's mine, baby. She can drive a truck, she can drive a train. She can't even drive an airplane. She's so good to look at. The door. She's coming over from places she's never been before. She sits down on the sofa, she pours herself a drink. Says, honey, honey, honey, ain't no time to drink. Associé à Tom Petty, à Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra et à Bob Dylan. Oui, le prix Nobel, oui. Et on continue avec George Harrison, mais associé à Carole Perkins et à d'autres. Blue Sweat Shoes sur RG. Drink my liquor from a whole fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay a hush on them shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but lay a hush on my blue suede shoes. Remontons les années jusqu'en 1968. À ce moment-là, McCartney entend les Who faire un single qui se semblait être ravageur. Il a voulu faire encore plus ravageur que ça. Il s'est vraiment écorché la voix et à la fin, Ringo Starr dit « J'ai des ampoules aux doigts !» Voici Helter Skelter sur RG. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom.

had the time to think things over. We had a lot of fun, we had some tears. Stepping out of loneliness now, the road don't seem so long, long, long, long, long. After all these years, after all these years, after all these years, after all these years. Encore une fois en 1992 sur l'album, l'excellent album Time Takes Time de Ringo Starr, c'était After All These Years. Vous avez remarqué que j'ai passé plus de 6 extraits de l'album de la semaine. Enfin, oui, déjà 6 plus un demi parce que j'ai passé Fabulous qui ne faisait pas partie de l'album mais qui faisait partie des sessions. Et puis bon, il nous reste 6 minutes, j'ai le temps de vous en passer encore un extrait. Voici la chanson que Paul a glissée au milieu des reprises. Et c'est tellement bien fait, comme c'est le côté caméléon de Pomme, de Paul, pardon, pas de Pomme, il sait s'adapter à tout. On a l'impression que c'est une reprise, que c'est une vieille chanson, et non, c'était à l'époque, en 1999, une nouvelle chanson de Paul McCartney. Voici Try Not to Cry sur RIG. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. How can I help it, but don't know the song. All day I try to be a man. Help me to do it. Show me the plan. I want to enjoy being alive. Don't want to leave before I arrive. I like to sing, I sing along. How can I do it if I don't know the song? Allez, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Somewhere we que cette saga serait rock'n'roll. Elle se termine ainsi. Merci d'avoir écouté cette 332e saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas de quoi on parlera. On verra quel album de la semaine sera mis en premier. Voilà. Je ne suis fatigué ce soir. Merci à vous toutes et tous. Grosse bise et à la prochaine fois. Et restez jusqu'à la fin du générique. On ne sait jamais. Je dis ça, je n'ai rien dit. Ciao. Tells her it won't be long till the girls on the page come to life, and they'll get the flowers that he used to bring. Every endearing remark, remind them of passionate promises he'll never fulfill in the dark. Back of his head. Look at me, look at me, look at me. I'm afraid. Look what it's come to now. I'm just your mistress and maid. Look what it's come to now. I'm just your mistress and maid. Ah. Un des bonus de la version deluxe de Flowers in the Dirt. Pas d'Eric ce soir, il est toujours en déplacement, mais il vous envoie de grosses bises. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.